4. Le cheminot s'explique. 3 jours après, on alla en promenade du côté de Castelsau. Madame d'Orvillers n'y avait pas été le jour de la visite de Germain. À moitié chemin, on rencontra monsieur et madame de Castelsau avec leurs enfants. Le baron. « Bien heureux de vous rencontrer, chère comtesse. Nous allions chez vous. » La baronne. « Et vous veniez sans doute chez nous. J'espère que vous voudrez bien entrer à Castelsau pour vous reposer et prendre quelques rafraîchissements. » Madame d'Orvillers hésitait à accepter l'invitation, lorsque Laurent s'écria « C'est ça, j'ai une faim et une soif terribles. Nous goûterons au château. Les goûters sont si bons là-bas, bien meilleurs que chez nous. » Madame de Castelsau, flattée de l'éloge et de la comparaison, insista auprès de Madame d'Orvillers, qui fut obligée d'accepter. Aussitôt après l'arrivée, on servit aux enfants un goûter magnifique. Les parents restèrent assis devant le château. Après quelques instants de conversation, ils virent un homme qui s'approchait, avec embarras, tenant son chapeau à la main. Il salua. « Pardon, excuse, messieurs, mesdames. » Le baron. « Que voulez-vous, mon cher ?» L'homme. « Je viens faire des excuses à monsieur le baron pour l'inconvenance dont je me suis rendu coupable l'autre jour. » Le baron. « Comment ? Quelle inconvenance, mon cher ? Je ne vous ai jamais vu. » L'homme. « Ça, c'est la vérité, monsieur le baron. Mais tout de même, je vous ai gravement offensé. C'est que, voyez-vous, monsieur le baron, je n'avais pas tout à fait ma tête. J'avais bu un coup de fil en quatre et je ne savais trop ce que je faisais quand j'ai corrigé votre petite demoiselle. » Le baron, indigné. « Corriger ma fille ? Quand donc ? Comment auriez-vous osé ? C'est impossible. Vous ne savez ce que vous dites, mon cher. » Le cheminot, très humblement. « Pardon, excuse, monsieur le baron. Si votre petite demoiselle n'a pas porté plainte, c'est une grande bonté de sa part. Je suis un bon homme, très affectionné aux enfants. Mais comme j'ai dit, j'avais du fil en quatre dans la tête. Et quand la jeune demoiselle m'a débité un tas d'injures et m'a craché en plein visage, j'ai dit « C'est un enfant mal éduqué, ça. Il faut la corriger. » Et j'ai fait comme j'aurais fait pour ma pauvre fille, je vous le jure, monsieur le baron, sans aucune méchanceté. J'ai pris une baguette de la main droite, l'enfant de la main gauche, et je l'ai corrigée, comme je l'aurais fait de ma fille, monsieur le baron, croyez-le bien. Ça m'est resté dans la tête. Quand j'ai eu repris mon bon sens, j'ai compris que j'étais un animal, que j'avais fait une grosse sottise. Je me suis informé du château, on m'a indiqué le vôtre, monsieur le baron, et que c'était sans doute votre demoiselle que j'avais corrigée. Et je suis venu le plus tôt que j'ai pu pour vous faire mes excuses, ainsi que madame la baronne. « Voilà l'histoire, en toute vérité, monsieur le baron. » Le baron et la baronne étaient atterrés. Madame d'Orvillers était fort embarrassée de se trouver témoin d'une pareille découverte. Les enfants, qui avaient tout entendu, étaient non moins étonnés. Félicie était au supplice. Cunégonde était furieuse. Clodoald était profondément humilié. Laurent et Anne étaient effrayés. Personne ne parlait. Le cheminot allait se retirer, fort content de n'avoir reçu aucun reproche pour son inconvenance, comme il l'appelait, lorsque M. de Castelsau, rouge de colère, se leva et montrant le poing au cheminot. « Misérable canaille !» lui dit-il. « Tu mens ! Tu n'as pas touché à ma fille ! Tu n'aurais jamais osé ! Un gueux comme toi porter la main sur la fille du baron de Castelsau, c'est impossible !» Le cheminot. « Pardon, monsieur le baron, c'est possible, puisque je l'ai fait. J'ai eu tort. Je ne dis pas non, mais j'en ai fait l'aveu à monsieur le baron. J'avais bu un coup, et tout le monde sait que lorsqu'un homme a bu, il ne faut pas lui en vouloir comme s'il avait tout son bon sens. Je ne suis pas un misérable, ni une canaille. Je suis un bon homme, affectionné aux enfants. Et si monsieur veut bien me laisser voir la petite demoiselle, je lui renouvellerai mes excuses, en toute humilité. » Le baron. « Mauvais drôle. Oui, je ferai venir ma fille pour te confondre, pour prouver que tu es un gredin, un vaurien, un coquin, un menteur. « Cunégonde ! » cria-t-il en s'approchant de la fenêtre de la salle à manger. « Viens vite, j'ai besoin de toi. » Cunégonde accourut à l'appel de son père, le visage enflammé de colère, le regard courroucé. Cunégonde. « J'ai tout entendu, mon père. Cet homme est un menteur effronté. Je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Et s'il avait osé me toucher, je l'aurais fait saisir par la gendarmerie et nous l'aurions fait condamner aux galères. » Le cheminot l'avait examiné avec la plus grande surprise. Il avait en effet reconnu que Cunégonde n'était pas la petite fille qu'il avait rencontrée et corrigée, le cheminot. « Bien des pardons, mamselle. En effet, vous avez raison, malgré que je n'ai pas tort. Ce n'est pas vous que j'ai rencontré et corrigé. On m'a trompé. Je suis bonhomme et j'en conviens. Retirez donc vos injures, monsieur et mademoiselle, comme je retire mes excuses. Bien au bonsoir, la compagnie. Je n'y ai pas eu d'agrément, quoique j'ai fait pour le mieux. Je ne vous ai pas donné d'agrément non plus, faut être juste. Ça se comprend. Un bonhomme de cheminot qui corrige une demoiselle, les gendarmes n'ont rien à y voir. Et on ne condamne pas aux galères un homme qui a commis une inconvenance. Mais c'est tout de même drôle. » Et, tournant le dos, il se retira précipitamment pour éviter une nouvelle fureur de monsieur le baron et de mademoiselle la baronne. Le baron resta fort ému. La baronne, droite et silencieuse, retenait sa colère à cause de la présence de madame d'Orvillet, qui ne savait trop si elle devait parler ou garder le silence. Elle essaya enfin quelques paroles consolantes pour remettre le calme dans les esprits. « L'excuse de cet homme, dit-elle, est dans son ivresse. Il s'est figuré avoir commis la faute dont il est venu s'excuser, et au total, il m'a l'air d'un bon homme. Il a cru bien faire en faisant cet acte d'humilité. » Le baron, avec colère. « C'est un gredin, et s'il ose jamais se présenter chez moi, je ferai lâcher mes 30 chiens sur lui. » Madame d'Orvillet. « Vos 30 chiens mettraient le pauvre homme en pièces, et vous vous feriez une mauvaise affaire. » Le baron, avec surprise. « Avec qui donc, une affaire ?» Madame d'Orvillet, sèchement. « Avec le procureur impérial. » Le baron, avec dédain. « Pour un manant de cette espèce ?» Madame d'Orvillet, sévèrement. « Ce manant est un homme, monsieur, un homme, comme vous. » Le baron. « Comme moi ? Ha ha ha ! Comme moi ?» Madame d'Orvillet, de même. « Oui, monsieur, comme vous, avec la différence que vous êtes riche, qu'il est pauvre, que vous êtes fier de la position que vous a donnée le bon Dieu, qu'il est humble et modeste, qu'il vient vous faire des excuses parce qu'il croit vous avoir manqué, qu'il reçoit vos injures sans vous les rendre, et que, le baron indigné, j'aurais bien voulu voir qu'il eût osé me répondre sur le même ton. » Madame d'Orvillet, « Qu'auriez-vous fait ? » Le baron, « je l'aurais, ma foi. » Je ne l'aurais pas touché, parce qu'il est quatre fois fort, comme moi, mais j'aurais appelé mes gens pour lui donner une raclée. Madame d'Orvillet, que vous auriez chèrement payé, car là encore, vous vous faisiez une mauvaise affaire. Le baron, allons, allons, comtesse, vous voyez des affaires partout. Madame d'Orvillet, je les vois là où elles sont, monsieur. En France, la loi protège tout le monde. Il n'est pas permis de maltraiter un homme sans en être puni par la loi. Cunégonde était rentrée dans la salle à manger. Cunégonde. « Je savais bien que ce paysan mentait. Il a été obligé d'avouer son mensonge. C'est un coquin que cet homme. » Laurent. « Pourquoi coquin ? Il n'y a rien de coquin dans ce qu'il a dit. » Cunégonde. « Comment ? Un misérable qui ose inventer une chose aussi abominable. » Laurent. « Le pauvre homme était ivre. Il l'a dit lui-même. Il a rêvé. Et en se réveillant, il a cru que le rêve était vrai. Voilà tout. » Clodoald. « Mais aujourd'hui, il n'est pas ivre. » « Pourquoi est-il venu raconter ce tas de mensonges ?» Laurent. « Parce que c'est un brave homme. Il se repentait d'avoir battu votre sœur. Il a cru bien faire de venir en demander pardon. » Anne. « C'est très bien ce qu'il a fait. » Clodoald. « Vous trouvez, mademoiselle, c'est bien désagréable pour nous. » Anne. « Pourquoi désagréable ?» Clodoald. « Parce qu'il va répéter partout qu'il a battu ma sœur et qu'un baron de Castelsau ne peut supporter une pareille injure. » Laurent. « Et que ferez-vous, alors ?» Clodoald, avec dignité. « Je ne ferai rien, monsieur. » Laurent, riant. « Alors, ce n'est pas la peine de t'en crier. » Clodoald et Cunégonde jetèrent sur Laurent et sur Anne un regard de mépris et se retournèrent vers Félicie. Clodoald. « Vous, mademoiselle, qui n'avez rien dit encore, vous pensez comme nous, j'en suis bien sûr. » « Tout à fait, monsieur Clodoald, » répondit Félicie, qui avait fini par se remettre de l'émotion que lui avait causée cette scène. C'est ainsi que se termina l'aventure du cheminot dont personne ne dit mot tant qu'on fut chez les Castelsau. Mais, pendant la promenade du retour, Laurent et Anne en parlèrent beaucoup. 5. Le cheminot et l'ours. « Maman, ne trouvez-vous pas, dit Laurent, que ce pauvre cheminot est très bon, très honnête ? Moi, je l'aime beaucoup. » Madame d'Orvillet, souriant. « Ce qu'il a fait en venant faire des excuses est certainement d'un brave homme, mais c'est un peu bête. » Laurent. « Pourquoi cela, maman ?» Madame d'Orvillet, parce qu'il devait penser que c'était honteux pour la petite Castelsau d'avoir été frappée par un cheminot, et surtout d'avoir, par ses grossièretés, mis cet homme en colère à ce point. Laurent. Mais je trouve, maman, que puisqu'il a eu tort, il a bien fait de demander pardon. Madame d'Orvillet. Il aurait très bien fait s'il avait pu réparer le mal qu'il avait fait. Mais à quoi pouvaient servir ses excuses ? À rien qu'à humilier les parents et la petite fille, en faisant connaître cette ridicule histoire. C'est si vrai que sans lui, nous n'en aurions jamais entendu parler, non plus que monsieur et madame Castelsau. Et toi, Félicie, qui ne dis rien, que penses-tu de ce pauvre homme ? Félicie. Moi, je trouve que c'est un abominable homme, qu'on devrait enfermer. Madame d'Orvillet. Ah, mon Dieu, comme tu es sévère, comme tu prends vivement parti pour les Castelsau. Félicie, c'est parce que je les aime et que je comprends combien c'est désagréable pour Cunégonde. Laurent, ta Cunégonde aurait joliment mérité que l'histoire lui fût réellement arrivée. J'aurais été très content de voir son orgueil puni. Un cri de Félicie interrompit Laurent. Chacun se retourna de son côté. Elle s'était arrêtée, le visage bouleversé, les mains jointes, les yeux fixés sur un objet à demi étendu le long du bois qui bordait la route. À ce cri, l'objet qui effrayait tant Félicie se redressa lentement et on reconnut le cheminot qui les occupait tant depuis une heure. Il se leva tout à fait, regardant avec surprise et une espèce de terreur Félicie, restée immobile au milieu du chemin. Elle vit qu'il la reconnaissait. Pour la première fois de sa vie, son orgueil plia devant la peur. Elle le regarda d'un air suppliant, les mains toujours jointes. Le cheminot, qui avait compris la faute qu'il avait faite au château des Castelsau, et qui était bonhomme, comme il le disait, lui adressa un sourire d'intelligence et s'approchant de Madame d'Orvillet. « Je demande bien pardon à Madame de ce qui s'est passé au château de Monsieur le Baron. Je croyais bien faire et j'ai fait une sottise, paraîtrait-il. Au fait, j'aurais dû comprendre que c'était l'idée d'un homme pris de vin et que tout ça n'était qu'un rêve. » Madame d'Orvillet. « Je ne vous en veux pas, mon ami. Vous ne m'avez manqué en rien. Merci de votre bonne intention et bonsoir. » Le cheminot. « Pardon, excuse, madame, si je vous demande la permission de vous accompagner jusque chez vous. Vous êtes seule, avec des enfants. Ce n'est peut-être pas prudent. » Madame d'Orvillet. « Merci, mon ami. Nous avons l'habitude de nous promener dans ces bois et nous n'y courons aucun danger. » Le cheminot. « Madame ne sait donc pas que depuis hier soir, il y a un ours échappé d'une ménagerie qui court les bois. On l'a vu par ici ce matin, et je m'étais mise en observation pour le ravoir. Il y a 50 francs de récompense pour celui qui en débarrassera le pays et 100 francs pour le ramener vivant. » Madame d'Orvillet, effrayée. « Je n'en savais rien. Je vous remercie de m'en avertir, et j'accepte volontiers votre compagnie, mais vous n'avez aucune arme pour vous défendre. » Le cheminot. « Pardon, madame, j'ai mon gourdin et tout ce qu'il me faut dans ma poche. » Les enfants, effrayés, se serrèrent contre leur mère. Laurent. « Courons vite, maman, nous sommes encore loin. » Le cheminot. « Restez tout près de votre maman, monsieur et mesdemoiselles. Je marcherai derrière vous. Comme ça, il n'y aura pas de danger. » Ils se mirent en route, n'osant plus parler, regardant à droite et à gauche, s'attendant sans cesse à voir sortir l'ours de derrière un buisson. Leur attente ne fut pas longue. Au détour d'un sentier, ils se trouvèrent en face de l'animal féroce. Tout le monde s'arrêta. L'ours poussa un rugissement et se dressa sur ses pattes de derrière. Le cheminot s'élança entre lui et Madame d'Orvillet. « N'avancez pas » cria-t-il. « Laissez-moi faire !» L'ours resta un instant indécis. Prenant son parti pressé par la faim, il fit un pas vers le cheminot qui lui asséna un coup de massue sur la tête. L'ours chancela un instant, reprit son aplomb, ouvrit son énorme gueule, mais, avant qu'il eût allongé les pattes de devant pour saisir le cheminot, celui-ci lui enfonça dans la gueule ouverte un petit puits en bois très dur, pointu par les deux bouts. L'ours voulut refermer la gueule pour dévorer le bras du cheminot, mais les pointes du pieu s'enfoncèrent dans la langue et dans le palais. Plus l'ours faisait d'efforts pour refermer la gueule, plus les pointes s'enfonçaient dans les chairs. Sans perdre un instant, profitant du mouvement des pattes de devant que l'ours avait ramené à la gueule pour se débarrasser du pieu, le cheminot lui lança un nœud coulant qui, étranglant à moitié l'animal, lui fit perdre la respiration, lui ôta ses forces et il roula par terre. Le cheminot ne lâcha pas la corde. Les mouvements de l'ours serraient de plus en plus le nœud coulant. Le cheminot, pendant ce temps, ne cessait de l'assommer avec son gourdin, se gardant bien de frapper sur la tête pour l'avoir vivant et gagner ainsi les 100 francs promis. Madame d'Orvillet et les enfants, terrifiés, regardaient avec anxiété le combat de l'ours contre le cheminot, qui recevait de temps à autre un coup des griffes terribles de l'animal. Enfin, les mouvements convulsifs cessèrent, il resta étendu, râlant, presque étranglé, la gueule en sang. Le combat était fini, le cheminot restait vainqueur. Il lâcha un peu le nœud coulant, tira de sa poche une chaîne, la roula autour du cou de l'animal, fixa à un des chaînons le crochet qui était à un des bouts de la chaîne et fixa l'autre bout à l'anneau de son gourdin, préparé exprès pour la circonstance. Retira de dedans sa ceinture une petite barre de fer pointu et, lâchant tout à fait le nœud coulant, laissa l'ours respirer librement mais sans lui enlever le pieu qui maintenait la gueule ouverte. Le cheminot. « Bon, te voilà pris, mon garçon, et prêt à rentrer en cage. » Je t'ai soigné, je t'ai donné de l'air. Il n'y a que le bâillon qui te gêne, mais tu le garderas jusqu'à ce que je t'aie ramené à la ville. À mon tour maintenant. Gredin d'ours, m'a-t-il arrangé les jambes? De la hanche au talon, il a laissé ses marques partout. Heureusement qu'il a les griffes coupées. S'il les avait eues, il m'aurait enlevé la peau du haut en bas. madame d'Orvillet. Mon pauvre homme, vous perdez tout votre sang. Laissez-moi vous bander cette blessure à la jambe. Le sang coule en abondance. Le cheminot. Que madame s'abaisse jusqu'à me bander la jambe, je ne souffrirai pas cela. Madame d'Orvillet. C'est bien le moins, mon ami, que je vous témoigne ma reconnaissance pour nous avoir sauvés, mes enfants et moi. Laissez-moi faire. Je vous assure que vous avez besoin d'être soigné. Sans attendre sa réponse, madame d'Orvillet tira son mouchoir, le déchira en deux, et, malgré l'opposition du pauvre cheminot, elle lui tamponna et lui banda la jambe pour arrêter l'écoulement du sang. Une autre blessure au genou saignait aussi beaucoup. Madame d'Orvillet n'avait plus de mouchoir. « Voici le mien, maman, » dit Laurent en le présentant à sa mère. « Et le mien aussi, » dit Anne en faisant comme son frère. Madame d'Orvillet les approuva d'un sourire, fit comme pour la première blessure un tampon du petit mouchoir de Laurent et la lui banda avec celui d'Anne. « Écoutez, mon ami, » lui dit-elle, « vous n'êtes pas en état de marcher jusqu'à la ville. Restez ici, nous allons nous dépêcher de rentrer. Je vous enverrai une carriole, vous y monterez avec votre ours et on vous mènera où vous voudrez. » Le cheminot. « Bien des remerciements, ma bonne chère dame. Je crois en effet que je n'irai pas loin. » « Allons, Martin, sois sage, ne bouge pas, et tu iras en voiture retrouver ton maître, qui va te donner des coups de trique pour t'apprendre à courir les bois. Je t'en ai donné une bonne dose, mais cela ne comptera pas. Nous n'en dirons rien au maître. » Madame d'Orvillet sourit, donna une poignée de main au bon cheminot, et s'éloigna en disant « Je vous enverrai la voiture aussitôt que je serai arrivé. Ce n'est pas loin, nous en avons pour 10 minutes. » Le cheminot remercia encore, salua, et s'assit près de son ennemi, ne quittant pas le gourdin ni sa baguette en fer. « Ne bouge pas. Au premier mouvement que tu fais, je t'assomme avec ma baguette et je te pique avec la pointe. » L'ours semblait avoir compris. Les reins brisés par le gourdin, la gueule ensanglantée par le pieu, il resta étendu, grognant douloureusement, mais ne cherchant pas à se relever. Une demi-heure après, la carriole était arrivée. On eut de la peine à y faire entrer l'ours. Le cheminot se plaça derrière lui pour le tenir en respect, disait-il. Madame d'Orvillet lui avait envoyé une bouteille de bon vieux vin qui lui fit grand bien et un paquet de linge pour panser ses blessures. Elle avait recommandé qu'on le menât chez un médecin et qu'ensuite on le ramenât jusque chez lui. L'ours fut rendu au maître qui le débarrassa de son baillon, le roua de coups et le renferma dans sa cage, avec du pain et de l'eau pour toute nourriture. Le cheminot reçut les 100 francs promis, fut visité et pansé par le médecin et ramené chez lui. Le charretier lui fit accepter le paquet de linge et une bourse contenant 50 francs. Le cheminot bénit Dieu de sa journée. Sa femme pleura de joie, ses enfants pleurèrent de lui voir du sang. Le calme se rétablit, le cheminot raconta ses aventures, sauf la rencontre de la petite demoiselle battue, et ils passèrent une heureuse nuit. 6. Récit des enfants à leur bonne. Quand les enfants furent rentrés, Laurent et Anne coururent chez leur bonne. Laurent. « ma bonne, tu ne sais pas, un ours énorme a voulu nous manger dans le bois. » Anne. « Et un bonhomme excellent a fouetté Cunégonde et a tué l'ours. » La bonne riant. « Comment ? Qu'est-ce que vous dites donc ? Un ours dans nos bois ? Un bonhomme qui a fouetté Cunégonde, qui a tué l'ours ? C'est impossible, mes enfants. » Laurent. « Je t'assure, ma bonne, c'est très vrai. Demande à maman, un ours énorme et enragé. » Anne. « Je t'assure, ma bonne, il a fouetté Cunégonde. Elle était dans une colère terrible. » La bonne riant. « L'ours a fouetté Cunégonde. Il a bien fait. Il ne fallait pas le tuer pour cela. » Anne. « Mais non, c'est le bonhomme. » Laurent. « Mais non, Anne, il ne l'a pas fouetté. » Anne. « Je te dis que si, je l'ai bien entendu. » Laurent. « Maman a dit qu'il avait rêvé. Il a voulu nous manger. Et le bonhomme ?» La bonne, riant plus fort. « Le bonhomme a voulu vous manger ?» Laurent. « Mais non, ma bonne, tu ne comprends pas, c'est l'ours !» La bonne. « Mais où était l'ours ?» Laurent. « Dans le bois. Et le bonhomme l'a piqué, l'a battu, l'a attaché avec des cordes. Et puis, il est tombé. » La bonne. « Qui ? Le bonhomme ?» Laurent. « Mais non, l'ours ! Et le bonhomme avait du sang plein les jambes. Et je n'ai plus de mouchoir. J'en voudrais un pour me moucher, parce que j'ai pleuré. Et Anne aussi, et maman aussi. » La bonne. « Tout le monde a donc pleuré ?» « Je ne comprends pas un mot de votre histoire. Vous avez rêvé tout cela, mes enfants. » Laurent. « Je te dis que non. Tu ris parce qu'un méchant ours a voulu nous manger. C'est très vilain à toi. » La bonne. « Mon pauvre petit, si un ours avait voulu vous manger, j'en serais très effrayée. Mais il n'y a pas d'ours dans ce pays-ci. » Laurent. « Demande à maman. Tu verras que c'est vrai. Donne-moi un mouchoir. Mon nez coule. » Anne. « Et moi aussi, mon nez coule. » La bonne leur donna à chacun un mouchoir, elles ne riaient plus. Elles commençaient à comprendre qu'ils avaient couru un danger quelconque. Elle pensa que les enfants avaient pris un gros chien pour un ours et continua à les interroger. La bonne : Voyons, mon petit Laurent, dis-moi d'abord où était cet ours. Laurent : Il était dans le bois, au bord du chemin, et il a crié très fort. La bonne : Et qui était ce bonhomme qui a tué l'ours ? Anne : C'est celui qui est venu demander pardon parce qu'il avait fouetté Cunégonde. La bonne : Et pourquoi l'a-t-il fouetté ? Anne : Parce qu'elle lui a dit des sottises, qu'elle lui a craché à la figure. Le bonhomme s'est fâché et il l'a fouetté avec une baguette. Laurent : Il a dit qu'il était ivre et qu'il demandait bien pardon. Et Cunégonde a dit que ce n'était pas vrai. Et le bonhomme a dit aussi que ce n'était pas vrai, qu'il ne la connaissait pas. Et il est parti. Et nous l'avons trouvé assis dans le bois. Et il attendait un ours. Et il a demandé pardon à maman. Et il a dit à maman qu'il voulait venir avec nous pour tuer l'ours qui s'est échappé et qu'on lui donnerait 100 francs. Et l'ours est venu et nous avons eu bien peur. Et le bonhomme a enfoncé un piquet dans la bouche de l'ours. Et puis, il lui a serré le cou avec une corde. Et l'ours est tombé. Et le bonhomme lui a attaché une grosse chaîne et un bâton. Et il lui a ôté la corde. Anne : Et tu ne dis pas que le pauvre bonhomme avait du sang ? Laurent : Attends donc, je n'ai pas fini. Et le pauvre bonhomme avait beaucoup de sang qui coulait. Et maman a déchiré son mouchoir, elle lui a attaché la jambe, et puis il y avait des trous au genou. Et maman n'avait plus de mouchoir, et j'ai donné le mien. Anne : Et moi aussi, j'ai donné le mien. Laurent : Attends donc, tu m'empêches de parler. Anne : Tu dis trop lentement. Laurent : Je dis aussi vite que je peux. Et Anne a donné le sien, et maman a attaché le genou, et le bonhomme a remercié maman. Anne : Et maman aussi a remercié le bonhomme. Laurent : Mais laisse-moi donc parler, tu m'interromps toujours. Anne : C'est que tu ne dis pas tout, je veux raconter aussi, moi. Laurent : Eh bien, raconte alors, voyons, raconte. Anne : Tu n'as pas dit que Félicie n'a pas donné son mouchoir. Nous pleurions, elle ne pleurait pas. Elle n'a pas dit merci au pauvre homme. Laurent : Mais maman a dit merci pour nous. Et maman lui a dit qu'il reste bien tranquille, avec l'ours, qu'elle lui enverrait la carriole. Anne : Et quand nous sommes revenus à la maison, maman est allée dire à Saint-Jean qu'il attelle bien vite la carriole et qu'il ramène le bonhomme avec son ours. La bonne, les embrassant : Mes pauvres petits, je comprends à présent que sans ce brave homme, vous eussiez été peut-être dévorés par ce méchant ours. Je remercie le bon Dieu de vous avoir fait rencontrer cet excellent homme et de vous avoir sauvés d'un si grand danger. Laurent et Anne, l'embrassant : Ne pleure pas, ma bonne, ne pleure pas. Tu vois que nous sommes bien portants. Nous n'avons pas de sang, comme le pauvre homme. La bonne les embrassa encore à plusieurs reprises. Madame d'Orvillers entra en ce moment. « Je vois, ma bonne Valérie, que les enfants vous ont raconté notre terrible aventure. Je viens vous demander du linge pour les blessures du bon cheminot qui nous a sauvés. Ma femme de chambre est sortie, c'est pressé. Faites-en un bon paquet et ajoutez-y une bouteille de notre vieux vin de Saint-Georges. Le pauvre homme a perdu beaucoup de sang. Ce vin lui redonnera des forces. » La bonne : « J'y vais, madame. Et si madame veut bien le permettre, j'y ajouterai quelque argent. Cet homme est pauvre, sans doute. » Madame d'Orvillers : « C'est ce que j'ai pensé, Valérie. Voici 50 francs dans cette bourse, que le charretier lui remettra quand il l'aura ramené chez lui. » La bonne courut exécuter les ordres de madame d'Orvillers. Madame d'Orvillers : « Félicie n'est pas avec vous ? Où est-elle donc ? » Laurent : « Je ne sais pas, maman. Elle n'est pas venue ici. » Madame d'Orvillers : « Elle est sans doute dans ma chambre. » Madame d'Orvillers sortit, suivie des enfants. Elle trouva effectivement Félicie assise dans un fauteuil. Madame d'Orvillers : « Que fais-tu là toute seule, Félicie ? » Félicie : « Je me repose, maman. » Laurent : « Pourquoi n'es-tu pas venue chez ma bonne avec nous ? » Félicie : « Je n'avais pas besoin de ma bonne. Je n'avais rien à lui demander. » Laurent : « Mais tu nous aurais aidé à raconter notre histoire. D'abord, elle ne comprenait rien. Elle riait parce qu'elle croyait que l'ours avait fouetté Cunégonde. » Félicie : « Comme c'est bête. » Laurent : « Ce n'est pas bête du tout. Nous racontions mal. Elle croyait ensuite que nous avions rêvé, comme le bonhomme qui a rêvé qu'il a fouetté Cunégonde. » Félicie : « Il n'a pas dit fouetté, il a dit battu. » Laurent : « C'est la même chose, battu ou fouetté. » Félicie : « Non, ce n'est pas la même chose. » Laurent : « Oh, bah, c'est égal. Tu aurais dû venir chez ma pauvre bonne, qui nous aime tant, n'est-ce pas, maman ? » Madame d'Orvillers : « Certainement, mon cher petit. Si Félicie aimait sa bonne comme elle devrait l'aimer, elle aurait senti comme vous le besoin de lui raconter le danger qu'elle a couru et la reconnaissance qu'elle devrait avoir pour ce bon cheminot. » Félicie : « Je ne dois rien, moi, à cet homme. Il a voulu prendre l'ours pour gagner 100 francs, et pas du tout pour me sauver. Madame Dorvillet, ce que tu dis là est très mal. Ce pauvre homme a pris la peine de nous avertir et de nous accompagner. Et sans lui, l'ours se serait jeté sur nous et nous aurait peut-être dévorés. Félicie, il nous a accompagnés pour avoir les 100 francs. Ces paysans ne pensent qu'à gagner de l'argent. Laurent, tu es une ingrate. Ce pauvre homme ne pensait qu'à nous rendre service. Félicie, laisse-moi donc tranquille. Je déteste cet homme grossier qui fait semblant d'être bonhomme. Laurent, il ne fait pas semblant. Il est très bon et nous irons demain savoir de ses nouvelles. Félicie, ah, par exemple, c'est trop fort. Allez savoir des nouvelles d'un cheminot et d'un méchant cheminot comme celui-là. Madame Dorvillet, Félicie, je te prie de te taire. Tu dis autant de sottises que de paroles. Tu as un orgueil qui me fait une vraie peine. Nous irons demain savoir des nouvelles de ce bon cheminot, et je veux que tu viennes avec nous. Félicie, oh maman, je vous en prie, laissez-moi à la maison. J'ai peur de ce vilain homme. Je suis sûre qu'il nous fera du mal. Laurent, tu as donc peur qu'il ne te fouette tout de bon, comme dans ton rêve? Félicie devint rouge comme une cerise. Elle n'osa plus dire un mot. Et sa mère lui répéta l'ordre de l'accompagner le lendemain dans sa visite.